Bonjour et bienvenue en 2030 Glorieuse. Il s'agit d'un épisode très spécial aujourd'hui. Je suis Arthur Lanterre, je déploie la galaxie des 2030 Glorieuses avec Julien, et suis ravi de vous transmettre en cette période de fête un cadeau que nous fait Mélodie Carcron. Mélodie est sophrologue et poétesse, et c'est elle qui anime pour la communauté les méditations utopistes tous les lundis midi. Au cours des 20 prochaines minutes, vous aurez un aperçu de ces méditations. Je vous invite donc à trouver le moment et les conditions qui seront celles qui vous sembleront adaptées pour en profiter pleinement. En suivant les propositions de Mélodie, et après un exercice de scan corporel, vous allez explorer la puissance d'une notion qui m'est très chère, et ce depuis les 2030 Glorieuses. Je parle de la notion de gratitude. Cette gratitude est bien sûr un cadeau que vous pouvez faire aux autres, mais c'est aussi et surtout un cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, tant elle peut vous apporter à différents niveaux. Mélodie, c'est à toi. Installe-toi confortablement. À tout moment, tu pourras ajuster ta position pour être encore plus confortable dans une écoute de tes besoins, de tes limites. Offre-toi à toi-même cet espace de sérénité, ce refuge pour ton voyage intérieur. Prends conscience de l'espace autour de toi. Chaque détail, chaque souffle d'air, chaque vibration, et accueille-les dans leur intégralité. Si c'est juste pour toi, je t'invite à fermer doucement les yeux et à te centrer sur ta respiration. Ressens tous les points d'appui de ton corps, de la tête aux pieds. Et laisse chaque inspiration t'apporter un peu plus d'ancrage, de tranquillité. Chaque expiration te libérer de ce qui te pèse, ce qui t'encombre. À tout moment, tu pourras revenir à ma voix et à ton souffle. Pour approfondir l'état de détente, tu peux amener ta conscience au niveau de ta tête et ressentir une onde de bien-être qui vient relaxer tout ton cuir chevelu. S'il y a des pensées parasites qui arrivent, c'est tout à fait ok, tu peux tout simplement les observer et les laisser passer, un peu comme des nuages dans le ciel. Puis, accueille la détente au niveau de tes paupières, de tes joues. Sens l'air frais au bord de tes narines à l'inspiration. Et l'air qui ressort un peu plus tiède à l'expiration. Accueille le relâchement au niveau de ta mâchoire, de ta bouche. Tu peux entrouvrir légèrement ta bouche et laisser ta langue se déposer naturellement. Et sentir un peu plus de relâchement au niveau de ta gorge, de ta nuque, de tes cervicales. Sentir la détente se poser sur tes épaules qui sont attirées vers le sol. Et puis, accueillir la détente dans tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains jusqu'au bout des doigts. Puis porte attention à ton dos. Tu peux le sentir s'étendre. Tous les muscles se relaxent du haut jusqu'en bas. À tout moment, s'il y a des zones un peu plus inconfortables, vois-les comme des points isolés dans un corps détendu. Et apporte-y de la douceur, de l'attention. Puis, tourne ton regard au niveau de ta cage thoracique. Tu peux la sentir se gonfler à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Te connecter à ton cœur, à ses battements calmes, réguliers. Ton cœur qui te guide à chaque instant. C'est justement cette région du cœur que l'on va ouvrir aujourd'hui. Puis, relâche toute la partie du diaphragme. Sens la détente envahir tout ton ventre. C'est à la fois les aliments et les émotions qui se digèrent. L'inspiration, ton ventre se gonfle et redescend à l'expiration, un peu comme des vagues, une vague après l'autre. Accueille le relâchement à présent au niveau de ton bassin, de tes hanches, cette zone d'ancrage. Relâche le périnée. Poursuis le chemin au niveau de tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds jusqu'au bout des orteils. Prends conscience de ton corps, plus détendu, plus relâché. Plus ouvert à accueillir tout ce qui va se présenter en termes de sensations physiques, de pensées, d'émotions. Maintenant que tu es prêt, prête, imagine un moyen de locomotion de ton choix pour entamer ce voyage en 2030 glorieuse. Ça peut être un objet, une liane, un nuage, un pouvoir magique, un mantra ou toute autre chose qui te transportera vers le futur des 2030 glorieuses. Tout est possible. Ressens toutes les cellules de ton corps qui s'activent, l'énergie qui circule, un nouveau souffle qui te transporte. Puis atterris doucement en 2030 glorieuse, dans un monde où tes rêves et tes utopies sont devenus réalité. Alors que tu prends le temps d'atterrir dans ce futur, je t'invite à explorer ton environnement avec tes sens. Qu'est-ce qui est présent pour toi? Observe les couleurs vives de ce monde, les paysages et peut-être les personnes qui t'entourent. Écoute les sons harmonieux qui t'enveloppent. Touche et ressens la texture de ce nouvel univers goûte à sa richesse et respire profondément son air pur et vivifiant. Comment te sens-tu? Quelle est ta posture? Quelles sont tes émotions? Qu'est-ce que ce nouveau rapport à toi te permet de faire? Accueille à ton esprit toutes les images qui te parviennent. Dans cet avenir souhaitable, tu peux laisser monter en toi un sentiment profond de gratitude qui se cultive à chaque instant. Gratitude pour ton corps qui peut-être marche, danse, aime, écrit, chante, travaille la terre, enfante, réfléchit, conscientise et s'émeut pour la formidable résilience dont il fait preuve, pour sa capacité à cicatriser, guérir, digérer. Apprécie son rythme qu'il te demande de suivre, ses besoins et ses limites qu'il t'indique. Et remercie-le pour ce précieux cadeau qu'il te fait en te permettant de ressentir, de t'émouvoir, de créer, d'imaginer. Gratitude aussi pour les saisons que tu éprouves de l'intérieur. Tes automnes, tes hivers, tes printemps et tes étés. Gratitude pour ta capacité à écouter tes rêves. Montre-toi reconnaissant pour ta spontanéité, tes envies, ton intensité, ton audace pleine de feu dans la création d'un monde nouveau. Pour la beauté que tu sais voir et qui t'entoure, dans un sourire, dans une chanson, une émotion pure et authentique. Célèbre ces éclats de poésie qui t'aident à tenir bon, à aimer mieux. Gratitude pour toutes ces mains tendues, pour cette communion qui transcende le temps et l'espace. Pour toutes ces âmes aidées, chéries, choyées, pour le partage des ressources, mais aussi des expériences, des savoirs ancestraux, des innovations durables qui permettent de grandir ensemble dans le respect du vivant. Puis tu peux apprécier tes pensées et ta capacité à leur donner une coloration positive. La capacité que tu as à transformer l'ombre en lumière. À oser un sourire aux abords d'une tempête. Comment réussis-tu à nourrir tout ce que tu aimes dans la vie? À valoriser le temps gagné à te poser. À t'écouter, respirer, t'émouvoir, penser. Gratitude aussi pour tous ces vieux schémas qui ont parfois limité ton cœur et qui un jour ont eu la fonction de te protéger, de te sécuriser. Rends hommage à ces valeurs que tu as mises au centre de ta vie avant de choisir de les transcender. Merci pour ce murmure entendu et brandi comme un cri, t'invitant à te libérer de tes ombres pour laisser place à de nouvelles raisons d'être. Gratitude pour la nature, dont les merveilles s'accumulent, dont le terreau fertile a permis à la vie de se manifester. à nos corps de se nourrir, de se guérir, de respirer. Dans ce réseau vivant de biodiversité et de respect mutuel, laisse cette sensation d'unité avec la nature imprégner chaque partie de ton être. Rends hommage à tes choix, tes questionnements, tes hésitations, tes revendications, tes bifurcations, ton appétit d'un monde plus beau. À tout ce que tu as su mettre en œuvre pour avancer, croître, te déployer. Et dans tout ça, le plaisir de la traversée. Tu es la graine, la sève et la plante tout entière. Tu es l'espoir, cette énergie vibrante qui fait sortir de terre tout ce qui est, se manifestant dans la matière. Quel est ce rêve pour lequel tu t'es incarné? Gratitude immense pour les défis qui t'ont fait trébucher, parfois changer de route, pour ce qu'ils ont remué d'inconfort et de peur. Toutes ces difficultés, finalement, ont donné de l'humanité à tes élans. Ta confiance et ton énergie ont su marquer tes avancées. Tes ressources déployées avaient bien fière allure dans leur immensité. Reconnaissance, enfin, pour ce cœur qui pulse, dont l'autonomie des battements te pousse à tendre l'oreille, à t'approcher de l'essence même de ton être. Gratitude pour ce cœur qui s'autorise à aimer, à vibrer, à se désordonner, dès lors que tu laisses la puissance d'amour faire la loi dans ton corps. Je t'invite doucement à poser une main sur ce cœur, avec toute la tendresse du monde dont tu es capable. Tout est là, en cet instant, là, juste là. Inspire profondément, enracinant cette sensation d'unité et d'harmonie avec toi-même. Ressens pleinement ton ancrage dans les 2030 glorieuses, tout ce positif que cela t'apporte. Fais-le grandir en toi à chaque respiration. Peu à peu, tu vas revenir dans l'ici et le maintenant, dans ton espace actuel, tout en gardant les yeux fermés pour le moment. Maintiens en toi cette connexion vivante avec les 2030 glorieuses, en embrassant avec gratitude cette sensation d'unité qui s'est révélée à toi, et en permettant à cette énergie d'imprégner chaque instant de ton existence. Reconnais que tu es non seulement témoin, mais aussi créateur, créatrice de ce mouvement vers un avenir où la gratitude est la pierre angulaire de tes relations et de ta coexistence. Chaque pensée empreinte de reconnaissance, chaque parole prononcée avec sincérité, chaque acte posé avec bienveillance contribue à l'édifice d'un monde plus harmonieux. C'est dans cet esprit de gratitude partagée que tu peux véritablement célébrer chaque jour comme un don, chaque rencontre comme une bénédiction, et chaque expérience comme une leçon précieuse. Peu à peu, reprends contact en ressentant tous les points d'appui de ton corps, de la tête aux pieds. Tu peux également prendre une profonde inspiration pour te dynamiser. Puis souffler fortement par la bouche et faire tout ce qui est juste et doux pour ton corps à ce moment précis. Commencer à ramener de la vie, du mouvement dans les extrémités, t'étirer, bâiller. Et puis, quand tu seras prêt, prête, et seulement à ce moment-là, tu pourras ouvrir doucement les yeux et ressentir en toi toute la chaleur de la gratitude dans chaque battement de ton cœur. Ressens la force de ce sentiment puissant et transformateur. Et puis, diffuse tout cela à tout ton environnement, tout ce qui t'entoure. Belle aventure. Merci d'avoir pris le temps de méditer en 2030 glorieuse avec nous. Je remercie tout particulièrement Mélodie pour ce merveilleux cadeau. Et vous souhaite des moments de joie emplis de gratitude, qu'ils soient futurs ou bien présents. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres moments de gratitude, et je vous donne rendez-vous sur 2030glorieuse.org, et pourquoi pas en méditation utopiste en ligne tous les lundis midi. Salut !